comme il est si difficile pour l'homme de mettre le doigt sur ce charlatan, sur le caractère, sur ses aspects négatifs, voici une litanie, autrement dit une liste de points de référence qui peuvent permettre à l'homme de saisir, de mieux voir l'activité en lui de ce charlatan. Lorsqu'un homme ne peut pas avec facilité donner à un être humain, ça fait partie de son caractère. Lorsqu'un homme n'est pas capable avec facilité de s'entendre avec un être humain, ça fait partie de son caractère. Lorsqu'il est difficile à un être humain de voir le point de vue d'un autre, c'est son caractère. Si un homme se sent diminué par un autre, c'est son caractère. Si un homme veut dominer un autre, c'est son caractère. Lorsqu'il y a chez un être humain un besoin de s'imposer sur un autre afin de mieux faire valoir sa personnalité, ça fait partie du caractère. Si l'homme n'a pas tendance naturelle à épouser les idées d'une autre personne, c'est le caractère. Si l'être humain trouve difficile de s'unir avec l'être humain, c'est le caractère. Non. Lorsqu'il est difficile à un être humain de pouvoir regarder en face les opinions d'un autre sans vibrer, ça aussi, ça fait partie du caractère. Lorsqu'un homme a tendance à diminuer les opinions des autres, à diminuer le point de vue des autres, à ridiculiser le point de vue des autres, à rire du point de vue des autres, ça fait partie du caractère. Et nous pourrions aller ainsi pendant des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers d'expressions du caractère, afin de démontrer que ce que nous appelons le caractère, c'est ce qui dans l'homme est déformé. Ce que nous appelons le charlatan, c'est ce qui dans l'homme est une déformation. Maintenant, vous me demanderez, est-ce qu'il existe dans l'homme du caractère réel, du caractère créatif, constructif? Oui, effectivement. Mais ce caractère créatif et constructif fait partie de l'activité du double à travers l'ego. Autrement dit, nous parlons de caractère, ou lorsque nous parlons de caractère, nous parlons toujours de déformation. Lorsque nous ne parlons pas de déformation dans le caractère, nous parlons simplement d'intelligence, de volonté et d'amour. Et si le terme caractère est devenu un terme tellement employé dans l'étude psychologique de l'homme, c'est parce que justement, chez l'homme, nous sommes témoins beaucoup plus de la déformation que de la formation. Et comme nous sommes témoins de la déformation beaucoup plus souvent que la formation, le caractère est devenu un concept qui a donné à notre psychologie humaine un point de repère afin de développer une mesure de ce que l'homme peut être ou de ce que l'homme est. Mais vous regarderez dans l'application de ce concept à l'homme, vous remarquerez que lorsque nous parlons du caractère, nous voyons toujours dans cette expression un aspect négatif, parce que justement, le caractère de l'homme n'est pas pur. Il n'est pas parfaitement développé. Il n'est pas parfaitement ajusté. Donc, cette pierre précieuse dont je parlais sur la première facette n'est pas parfaitement polie. Et lorsque le caractère de l'homme sera parfaitement poli, on ne parlera plus du caractère de l'individu. On parlera de son intelligence, on parlera de sa volonté, on parlera de son amour, autrement dit, on parlera de sa conscience. Autrement dit, on parlera de la conscience dans l'homme et on ne parlera plus simplement de la conscience subjective dont la coloration extérieure manifeste à travers ce charlatan constitue une des grandes qualités de la personnalité humaine inconsciente ou en voie d'évolution. Donc, pour un homme conscient d'étudier son caractère, est certes le travail le plus important qu'il puisse accomplir dans sa vie en tant qu'homme. C'est certes le travail le plus onéreux, le plus long, le plus difficile, le plus sensible, parce que il force l'être humain à se remodeler, à se remesurer, à se rendre à l'évidence qu'il existe en lui beaucoup de narcissisme, c'est-à-dire beaucoup de réflexions qui donnent à sa personnalité une fausse couleur, qui donnent à sa personne une fausse réalité et qui effectivement enlève à sa vie une puissance créative énorme, le retranchant ainsi de son potentiel et le forçant à continuer à vivre de l'expérience jusqu'au jour où sa conscience ayant été suffisamment élevée, il puisse concrétiser dans la vie tous ses rêves. Il y a dans l'activité de ce charlatan un aspect qui doit être mis en évidence afin de ne pas tomber dans le panneau. Il y a des aspects du caractère qui, dans la vie sociale inconsciente, peuvent bénéficier l'homme. Par exemple, si nous regardons le monde des affaires, nous nous apercevons qu'un homme qui a du caractère pourra faire de bonnes affaires. Cependant, il fera de bonnes affaires sur le dos de ceux qui sont exploités par lui parce qu'ils ne possèdent pas le même caractère, parce qu'ils ne possèdent pas, autrement dit, cette fausse force pour contrebalancer son activité. Et c'est justement ce qui fait que dans le monde aujourd'hui, les gens durs, les gens difficiles, les gens arrogants, les gens qui ne sont pas du monde, sont ceux qui très souvent atteignent les paliers du pouvoir. Pourquoi? Parce que ce caractère, ce charlatan, devient tellement puissant qu'ils donnent à leur personnalité l'envergure nécessaire, les outils nécessaires pour aller chercher le maximum de ce qu'ils peuvent dans la vie. Dans la vie, mais dans la vie de l'homme. Autrement dit, ces gens qui, dans le monde, atteignent certains niveaux de potentialité sociale, souvent, ils atteignent ces niveaux en ayant, pendant des années, marcher sur le corps de ceux qui n'étaient pas suffisamment doués pour leur faire soulever sous le pied le tapis. Donc, lorsque nous parlons de caractère de ce charlatan dans l'homme, nous parlons d'une main qui souvent est très forte, très puissante, qui peut devenir très forte et très puissante, mais qui sera toujours forcé quelque part dans le temps de laisser tomber ce qu'elle a prise qui ne lui appartenait pas. Autrement dit, le caractère ne peut pas incessamment donner à l'homme l'illusion d'une vie bien gagnée, bien partagée, bien construite. Quelque part dans le temps, cet homme, ce charlatan, dans l'homme, rencontrera son équivalent et il vivra une expérience qui le forcera à s'ajuster au niveau de son caractère. C'est dans ce sens que nous disons souvent que nous trouvons toujours chaussure à notre pied. Il y a toujours quelqu'un dans le monde qui nous fera vivre une expérience à la mesure de nous-mêmes, afin que nous puissions, à travers ce charlatan, à travers notre caractère négatif, apprendre quelque chose de constructif. Dans l'éducation des enfants, l'évolution du caractère de l'enfant est très importante, parce que, au fur et à mesure que l'enfant évolue, que son caractère s'ajuste, cet enfant devient plus sensible, plus conscient, plus équilibré, plus ajusté à sa réalité. Donc, nous le préparons au cours des années à pouvoir vivre une vie harmonieuse intérieurement et aussi harmonieuse sur le plan social. Si les parents qui éduquent, qui élèvent leurs enfants ne prennent pas conscience de l'activité toujours souterraine du caractère, eh bien, ce dernier se développe, continue à se déformer, et vient le jour où les parents n'ont plus de sympathie vibratoire avec l'enfant, où le courant de vie entre eux ne passe plus, et nous voyons des enfants à un certain âge se séparer psychiquement de leurs parents, ne plus pouvoir être sur la même longueur d'onde avec eux, et ainsi perdre l'opportunité de continuer pendant plusieurs années à côtoyer ces êtres qui les ont mis au monde, qui les ont nourris et qui leur ont donné souvent beaucoup d'amour, bien que cet amour fût mal placé à cause justement de l'inconscience des parents. Donc, dans le domaine de l'éducation, la formation du caractère, l'élimination de la déformation, la prise de position précise de la part des parents vis-à-vis ce charlatan qui se cache derrière la personnalité représente pour l'individu le plus grand des dons que nous puissions faire à ceux que nous aimons. Il est très important cependant que les parents soient suffisamment conscients afin que leur caractère, leur propre caractère, déteigne le moins possible sur celui de l'enfant, parce que alors ils enlèvent à l'enfant la chance de progresser, ils enlèvent à ce dernier la capacité de se manifester, et ces enfants perdent une grande quantité de leurs propres énergies. Ces énergies deviennent refoulées, et souvent elles doivent se remanifester plus tard dans des conditions qui ne sont plus appropriées à la manifestation d'une vie créative et consciente. Donc, dans l'éducation des enfants, il doit y avoir beaucoup de conscience, non pas simplement de l'amour, mais de la conscience, parce que l'amour de l'homme pour l'homme sans conscience est un amour qui souvent est directement coloré par le caractère. Donc, il faut qu'il y ait de la conscience, mais une conscience suffisamment ajustée pour que le parent puisse voir à travers le caractère de l'homme, de l'individu, de l'enfant, et ainsi ajuster ce dernier au fur et à mesure que se manifeste dans la vie cet aspect de la personnalité qui coïncide effectivement avec des failles, c'est-à-dire avec un besoin de redressement. Le caractère doit être redressé constamment au cours de l'éducation, parce que il représente un mouvement de l'énergie de l'âme qui doit être rendu conscient, c'est-à-dire qui doit être amené à un niveau de conscience afin que l'homme, l'individu, l'enfant, plus tard, puisse bénéficier d'une conscience au lieu de bénéficier simplement d'une personnalité en relation avec un caractère qui demeurera pour lui toute sa vie une épine dans le pied. Donc, les parents ont avantage à prendre conscience de la pertinence de cette situation afin de pouvoir donner le maximum à leurs enfants, et ce maximum, il est inévitablement relié au développement, à la formation et à l'ajustement de leur caractère. Parce que l'enfant sera obligé de vivre pendant des années ensuite éloigné des parents et assujetti à cette partie de lui qui n'aura pas été travaillée pendant l'éducation primaire, pendant l'éducation du bas âge. C'est maintenant que les parents doivent travailler sur le caractère. Et pour ce, il faut qu'ils en soient très conscients. Car s'ils ne sont pas conscients du caractère, s'ils ne le sentent pas, s'ils ne perçoivent pas, à ce moment-là, ils n'agiront pas en fonction de son redressement, et l'enfant grandira entaché de lui et ne pourra pas plus tard bénéficier d'une conscience suffisamment ajustée pour vivre une vie à la mesure de son évolution. Donc la responsabilité des parents dans l'éducation est directement reliée à ce redressement de caractère, à la perception des failles qui existent en lui, afin de pouvoir donner à l'enfant un mode d'expérience future qui coïncidera avec son plus grand bien. Chaque enfant qui vient au monde, selon la position des astres, possède un caractère qui cache des qualités, mais qui manifeste aussi des failles. Et ce sont les failles qui doivent être éliminées, parce que si ces failles ne sont pas éliminées, les qualités seront diminuées automatiquement. C'est un peu comme le phénomène de la mauvaise herbe dans un jardin. Si vous avez une bonne terre, si elle est bien nourrie et que vous avez des plantes, les mauvaises herbes enlèveront à la terre et aux plantes le nutritif et elles se nourriront elles-mêmes et elles deviendront fortes et éventuellement la terre perdra et les plantes aussi perdront de leur vitalité. C'est la même chose sur le plan du caractère, sur le plan de l'éducation. Si les parents ne travaillent pas à l'élimination de ce qui est déformé dans le caractère, et ils peuvent très facilement le voir, puisqu'ils sont, par sympathie vibratoire, très près de l'enfant, à moins qu'ils ne se cachent de le voir, à ce moment-là, naturellement, ils ne pourront jamais donner à cet enfant une bonne éducation. Mais si les parents regardent de très près l'enfant au cours de son évolution, au cours de sa jeunesse, ils s'apercevront de la manifestation du charlatan en eux, ils pourront le redresser, ils pourront l'ajuster, et après quelques années, ils verront que l'enfant grandit bien, qu'il grandit avec facilité, et qu'il est prêt à s'acheminer lui-même parce que les obstacles de la programmation astrologique auront été diminués à leur maximum, afin de donner à ses enfants une plus grande liberté d'expression, de vie et d'expérience plus tard. Mais si les enfants doivent, à 18, 19, 20 ans, commencer à vivre et porter sur leur dos ce caractère qui n'a pas été changé, transformé, formé, transmuté par les parents, à ce moment-là, cet enfant est plus pauvre qu'il ne l'était avant de venir sur la planète. Parce que il n'a pas été donné les outils nécessaires pour confronter ou être confronté à une nouvelle expérience. Il ne s'agit pas pour un enfant de revenir sur le plan matériel et recommencer dans les mêmes tracts qu'il a connus auparavant. Il s'agit pour un enfant qui revient sur le plan matériel, ces enfants que nous aimons, d'être amenés petit à petit à vivre une vie nouvelle, une vie neuve, une vie qui ne coïncide pas avec les anciennes mémoires, mais une vie qui s'ouvre complètement sur du neuf, non pas sur le plan de la civilisation, mais aussi sur le plan interne, et en relation avec l'apport que des parents consciencieux, aimants, intelligents et conscients peuvent donner à des êtres cher et près d'eux. Que l'homme de l'évolution soit obligé de vivre une initiation solaire pour en arriver à la conscientisation de ses principes, c'est normal puisque nous sommes, d'une façon aberrante, liés à des mémoires de toutes sortes, autant incarnationnelles que réincarnationnelles. Mais que nos enfants soient obligés demain de vivre des vies qu'ils ne puissent pas mener à bien de leur propre conscience ou à partir de leur propre conscience, éveillée en très bas âge par des parents conscients, c'est une très grande perte. C'est un retour en arrière ou c'est une répétition vers l'avant. Et aucun parent conscient ne veut ceci de ses enfants ou pour ses enfants. C'est pourquoi il est très important dans le domaine de l'éducation de prendre en main l'évolution du caractère de nos enfants. C'est certes la tâche la plus importante, la plus délicate, celle qui nécessite de la part des parents la plus grande dépense d'énergie parce que elle force les parents à être présents consciemment dans la vie consciente ou inconsciente de l'enfant pendant des années. Les enfants sont obligés de vivre sous le regard des parents et les parents sont obligés de vivre en résonance constante avec les manifestations de ce charlatan, de ce caractère, autrement dit, de cette pierre qui n'est pas encore polie. L'étude du caractère est certainement une étude extraordinaire parce qu'elle comporte dans son sein la totalité des mécanismes internes de l'ego qui demain permettront à l'ego de vivre une vie sur la terre en raison de la conscience créative de ce dernier. Donc, l'étude du caractère, le travail sur le caractère d'un enfant, demande que les parents soient de plus en plus avertis de la grande nécessité de corriger ce qui leur semble objectivement être une aberration de ce caractère. Et si les parents, pour des raisons d'émotion, des raisons d'hypersensibilité, des raisons d'amour mal placé ou des raisons d'émotivité, ne font pas ce travail, qu'ils ne viennent pas dans 10 ou 15 ans pleurer et dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous n'avez pas fait. Et souvent, c'est ce que nous n'avons pas fait qui est le pire. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait peut se défaire s'il a été mal fait. Mais ce que nous n'avons pas fait ne peut pas être rendu à l'enfant parce qu'il n'en a jamais pris conscience. Vous ne pourrez jamais être blâmé pour ce que vous avez fait, même si ça n'a pas été parfaitement exécuté. Mais vous pourrez toujours être blâmé si vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire. Parce que, justement, on pourra dire de vous que vous n'avez pas été suffisamment conscient pour prendre en main vos émotions, pour prendre en main ces aspects de votre personne qui vous empêchaient de mettre le doigt sur cette vibration qui passe à travers le psychisme de votre enfant et qui lui fait démontrer qu'il n'est pas ajusté à une conscience en évolution. C'est dans les mains des parents que revient le travail de modeler le caractère, de lui donner une forme, de lui donner une orientation, de lui donner une qualité qui conviendra parfaitement demain pour l'évolution de l'enfant. C'est dans les mains des parents que revient la responsabilité de s'assurer que la mémoire incarnationnelle et réincarnationnelle ne tâche pas la vie future de l'enfant. Remarquez bien que ce n'est pas parce que des parents aiment leurs enfants que leur propre caractère n'influera pas sur celui de l'enfant. C'est pourquoi l'amour dans l'éducation, ce n'est pas suffisant. L'amour est une très grande force, elle est nécessaire, elle est vitale. Mais de la conscience de soi-même, c'est-à-dire une conscience suffisamment objective pour pouvoir éliminer notre caractère ou les failles de notre caractère, d'influencer le caractère de l'enfant, c'est aussi très important parce que l'enfant est un être qui grandit par impression. Et même si nous l'aimons, nous transmettons des aspects de notre caractère à ce dernier si nous ne sommes pas suffisamment conscients de notre propre caractère qui puisse faire interférence avec son évolution. C'est pourquoi il y a retransmission et retransmission des caractéristiques de personnalité de parent à enfant dans l'évolution de ces derniers. Et ceci n'est pas toujours bon parce que la transmission de nos caractéristiques sur le plan du caractère ne sont pas toujours bonnes. Il y a des parents qui transmettent à leurs enfants des aspects positif, créatif de leur caractère, ceci fait partie de leur conscience. Mais il y a aussi des parents qui transmettent à leurs enfants des aspects négatifs de leur caractère. Les enfants absorbent ces aspects et continuent à renforcer leur propre caractère d'une façon négative. Donc, s'il y a amour pour nos enfants, il doit y avoir conscience objective de notre travail d'éducateur vis-à-vis eux, et nous sommes obligés de voir à certains moments de la vie que l'enfant dans son caractère doit être redressé, même si nous l'aimons. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas redresser le caractère de l'enfant par amour. Ceci est une très grande erreur et l'enfant en souffrira toute sa vie. Il y a des parents qui aiment tellement leurs enfants qu'ils n'oseraient jamais redresser leur caractère au-dessus ou au-delà d'une certaine peine. Que peut leur infliger un tel redressement? Ceci est une erreur. L'enfant doit être ajusté, il doit être dressé, il doit être amené au cours de son éducation à un épanouissement total de sa personnalité. Mais cet épanouissement total de la personnalité nécessite que son caractère soit ajusté. Sinon, les failles de son caractère diminueront sa personnalité et l'enfant en sera demain appauvri. Il y a des parents qui, parce qu'ils aiment beaucoup leurs enfants, parce qu'ils sont très sensibles à eux, sont inquiets dans le redressement du caractère. Ils ne veulent pas aller trop loin, ou ils questionnent, ou ils ont le doute, ou ils ont la culpabilité. Ceci est dangereux parce que ils sont empêchés de manifester une responsabilité créative et consciente vis-à-vis ceux qu'ils aiment. Lorsque nous redressons le caractère d'un enfant, lorsque nous le suivons de pas à pas pendant des années, nous l'invitons naturellement au développement de sa conscience, parce que dans le fond de la conscience, c'est une manifestation de l'énergie supérieure dans l'homme qui n'est pas bloquée par le caractère. C'est le caractère qui déforme la conscience. C'est le caractère qui empêche la conscience de se manifester. C'est le caractère qui donne à l'homme l'impression d'une conscience qui est fausse. Et comme nous le disions, qu'il est à la source de la motivation dans les appétits, il est évident que c'est ce dernier, le caractère, le charlatan, l'aspect négatif dans l'homme, qui l'amène petit à petit à vivre des expériences qui, à cause de leur polarité, forceront l'ego à développer une polarité et à s'engouffrer de plus en plus dans le problème fondamental de tout être humain aujourd'hui, celui de la question et de la réponse, celui du vrai ou du faux. Si l'homme évolue en relation avec des parents qui sont conscients en ce qui concerne le redressement du caractère, cet homme grandira petit à petit et la polarité n'aura pas l'effet sur lui qu'elle a eu sur les enfants de l'évolution. Autrement dit, il grandira de plus en plus certain, de plus en plus sécure, de plus en plus réel, et graduellement sa conscience prendra en main son action. Elle manifestera à travers sa personnalité une qualité d'action qui coïncide avec le juste rapport qui doit exister entre l'ego et l'esprit, de sorte que le caractère ne sera plus là pour infliger à l'ego constamment des pertes de conscience, réduisant ce dernier à une vie polarisée, donc réduisant ce dernier à une vie de souffrance. Nous disons que le redressement du caractère chez un enfant est l'aspect le plus important de sa vie. C'est justement là que l'enfant est préparé demain à vivre une vie parfaitement équilibrée. C'est justement là que demain, l'enfant pourra contribuer sur la Terre à l'évolution d'une société qui coïncide dans ses buts, ses rêves, ses idéaux avec la nobilité de l'être humain. Mais si le caractère n'est pas suivi de près, s'il n'est pas microscopiquement perçu par le parent, il y aura des aspects de ce dernier qui se développeront même en sourdine à l'insu des parents et qui demain, à un certain âge, reviendront en surface et mineront l'existence de ce dernier. Il ne faut pas que nos enfants demain soient obligés de vivre ce que nous avons vécu, qu'ils soient obligés de se chercher dans le monde par des voies initiatiques, par des voies spirituelles, par des voies de contemplation intérieure. Il faut que les enfants demain soient parfaitement intégrés intérieurement et extérieurement. Il faut qu'ils soient bien dans leur peau. Mais pour qu'ils soient bien dans leur peau, il faut qu'il y ait un équilibre dans leur psychisme. Et si le charlatan en eux n'a pas été mis à jour, s'il n'a pas été démontré à leurs yeux, s'ils n'en ont pas pris conscience, il est évident que demain, ce dernier reprendra le contrôle de leur conscience, de leur existence, et les enfants se verront démunis devant la vie qui ne devient pas de plus en plus facile, mais qui devient de plus en plus difficile, puisque nous sommes dans une époque où les anciens mécanismes subjectifs de la civilisation sont en train de s'effriter pour ne laisser place dans la vie de l'homme qu'à la fausse liberté d'un caractère qui n'a pas été ajusté, qui n'a pas été développé consciemment par une éducation conforme aux lois de la vie. On peut expliquer aussi le caractère, l'aspect positif du caractère, comme étant la réflexion de l'esprit. Et de l'autre côté, on peut expliquer l'aspect négatif du caractère, ce que nous appelons le charlatan, comme étant la déflexion de l'esprit. Autrement dit, l'esprit ne réussit pas à passer à travers le matériel mémoriel. Donc, dans l'éducation des enfants, le rôle des parents consiste à faire accroître ce qui est la réflexion de l'esprit, et à diminuer de plus en plus ce qui est déflectif dans la personnalité. Et ceci nécessite une très grande observation de la part des éducateurs, une présence constante, permanente, de la part des parents. Les parents doivent être capables d'être suffisamment présents en esprit pour pouvoir donner de l'élan à l'aspect réflectif de l'esprit chez leurs enfants et à retarder l'aspect déflectif de ce même esprit. Sinon, ce sera l'aspect déflectif qui prendra le contrôle de l'évolution, et un peu comme dans le phénomène de la mauvaise herbe, éventuellement, il étouffera la plante. Et c'est la situation que nous connaissons, que nous vivons dans notre société moderne. Encore plus aujourd'hui qu'auparavant, parce que aujourd'hui, nous ne bénéficions plus des valeurs moralo-spirituelles de la civilisation judéo-chrétienne comme nous les connaissions il y a une génération. Donc aujourd'hui, si le charlatan dans l'homme n'est pas mis en échec par une bonne éducation, nous verrons cet aspect de l'homme se développer, et en relation avec les courants sociaux qui existent aujourd'hui, devenir de plus en plus permanent dans la personnalité, de plus en plus éradicable, ce qui donnera naturellement ou invitera l'individu demain à vivre une vie beaucoup plus débalancée, beaucoup plus malheureuse. Vous pouvez facilement remarquer que nous pouvons découvrir facilement le caractère d'une personne. Nous voyons le caractère des autres. Il ne nous est pas étranger. Par contre, notre propre caractère, nous ne le voyons pas. C'est pourquoi il est très important pour les parents, lorsqu'ils éduquent leurs enfants, de travailler à l'élimination de ce qui est négatif dans le caractère, c'est-à-dire le charlatan, afin de laisser l'esprit pénétrer et permettre à l'enfant de bénéficier d'un caractère rigoureusement créatif. Mais pourquoi le caractère nous est-il si difficilement percevable? La question est très importante. Et la réponse est celle-ci, c'est que nous ne pouvons pas prendre conscience de notre caractère tel que les autres peuvent le faire, parce que notre caractère fait partie de notre esprit, donc automatiquement il fait partie de nous. Nous ne pouvons pas être à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est dans ce sens que l'éducation est très importante, ou le rapport verbal, expérientiel entre les hommes est très important, parce que dans l'entrechoc, dans le contact avec les autres, il y a certains aspects de notre caractère qui puissent être mis à l'épreuve, qui puissent être démontrés, qui puissent être mis en relief, alors que par nous-mêmes, seuls, nous ne pouvons pas prendre conscience de ces aspects. C'est dans ce sens que l'homme bénéficie d'un contact social, que l'homme bénéficie d'un rapport avec les autres, surtout lorsque ce rapport est intelligent, clairvoyant, et qui nous permet, dans notre relation avec les autres, de prendre conscience de quelque chose qui, en nous, demeurerait caché, voilé, si nous étions seuls. Donc, le caractère étant une partie ou un aspect occulté de l'homme, de la personnalité humaine, il est important pour ce dernier de prendre avantage de ces expériences de vie, surtout dans la société, dans le travail, dans la famille, parmi les amis, où le caractère peut être mis en relief. C'est pourquoi ce n'est pas bon pour un homme d'être retiré sur lui-même, parce qu'il ne peut pas prendre conscience de son caractère, tandis qu'en relation avec le monde, dans son contact avec le monde, c'est là qu'il prend conscience de son caractère et qu'il peut l'ajuster, qu'il peut le raffiner et éventuellement en éradiquer les aspects qui sont naturellement négatifs, qui sont charlatanesques dans ce sens qu'ils ne lui permettent pas d'épouser une conscience créative, une conscience sociale, une conscience humaine qui puisse lui donner tous les avantages d'être sur le plan matériel en harmonie avec soi-même et avec les autres. L'expression populaire, par exemple, qui dit que chaque torchon trouve sa guenille, reflète justement la tendance à un certain caractère de s'ajuster avec un autre qui le complémente. Mais ceci est très dangereux parce que si nous faisons des liens humains en relation avec des caractères qui nous complémentent, nous bénéficions simplement de l'aspect négatif de notre positif ou de l'aspect positif de notre négativité. En fait, lorsque l'homme fait des liens, lorsque l'homme est en relation humaine, que ce soit sur le plan intime ou que ce soit sur le plan social, il faut que ces liens soient faits sur le plan de l'esprit. À ce moment-là, l'homme, les hommes ensemble bénéficient d'une territorialité qui est universelle, donc ils n'ont pas à subir les menaces d'un caractère qui profane la nature de la conscience humaine, et ils peuvent alors bénéficier de liens sur le plan humain qui convergent et qui leur permet à la longue de bénéficier de leur esprit de plus en plus jusqu'à temps que ces liens, ces relations humaines soient réellement parfaitement éclairées par la lumière commune mais universelle à tous ces hommes. Mais si l'homme va vers l'homme sur le plan ou en relation simplement avec la complémentarité des caractères, à ce moment-là, il est évident qu'il vivra une sorte de lutte, une sorte d'initiation personnelle, une sorte d'expérience qui convient à l'évolution, mais qui ne convient plus à l'homme conscient de l'évolution. Si nous devons souffrir pour être ensemble, c'est de la stupidité. Si pour être ensemble nous devons souffrir et ne pas pouvoir partager nos esprits ou ce que nos esprits peuvent d'une façon commune nous apporter, il n'y a pas dans cette expérience de valeur réelle. Effectivement, il y a une valeur planétaire, mais cette valeur planétaire, elle est purement karmique. Dans les relations humaines, c'est l'esprit entre les hommes qui doit dominer les aspects créatifs de l'ego, les manifestations planétaires de la personnalité et aussi les aspects positifs d'un caractère ajusté permettant justement à cet esprit de se bien manifester dans le monde. Sinon, nous vivons des relations qui représentent toujours un mouvement délicat. Un mouvement où l'homme n'est jamais parfaitement à l'aise, parfaitement en paix, où il ne peut pas s'exécuter d'une façon franche, créative et sans réserve.